Alors on a chanté ce matin, Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Moi j'ai été élevé dans une famille catholique, il y a des mots qu'on n'aime pas trop prononcer. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, il y a des mots qui m'ont un petit peu choqué. Alors sacrifice, s'humilier, ça m'a pris à la gorge la première fois que je suis arrivé. Et puis en fait, c'est des mots dont la Bible parle. Alors quand j'ai dit à ma mère cette semaine, je l'ai appelée, je lui ai dit que j'allais parler du sacrifice dimanche. Elle m'a dit « Oh là là, tu peux pas parler de ça, c'est horrible, c'est vraiment... C'est horrible comme mot, on peut pas dire des choses comme ça. Sacrifice, c'est barbare, c'est violent, c'est du sang, enfin, c'est... Faut pas dire des choses comme ça. C'est un mot qui dérange, c'est un mot qui nous dérange, sacrifice. C'est un mot qui a une connotation négative. C'est un mot, quand on parle de sacrifice, on pense... Alors peut-être on pense à des héros qui se sont donnés en sacrifice pour la nation, mais ça a une connotation qui est vraiment violente, quoi. Et puis même quand on pense à d'autres civilisations, il y a des civilisations qui ont fait des sacrifices, on voit même dans la Bible, des civilisations qui offraient leurs enfants en sacrifice. Ils jetaient leurs enfants dans le feu pour leur Dieu. Et puis Jimena, une fois, m'a parlé quand elle a été au Pérou visiter le Machu Picchu. Et les Incas, là-bas, faisaient beaucoup de sacrifices. Et ce qui l'a touché, c'est qu'ils avaient des autels pour les sacrifices qui étaient... magnifique. Il faisait des autels en forme d'aigle avec des grandes ailes. Et puis, il mettait les sacrifices le long des ailes et quand ils égorgeaient les animaux, ou des fois même c'était des humains, le sang coulait jusqu'au milieu et il y avait une espèce de bol au niveau de la tête pour rassembler le sang. Et on voit qu'effectivement, ces civilisations-là, ils savaient bien que le sacrifice était une question de sang. Et effectivement, c'est une question de sang. Mais alors en fait, qu'est-ce que c'est un sacrifice ? Un sacrifice en français, le mot qu'on utilise en français, c'est un mot qui vient du latin, qui veut dire rendre sacré. C'est le fait de rendre sacré, et c'est un mot qui est utilisé même dans les religions gréco-romaines, c'est le fait de rendre sacré. Et il y a plusieurs types de sacrifices. Alors il y a ce qu'on appelle les oblations végétales, c'est-à-dire des sacrifices de végétaux. On pouvait offrir des légumes, on pouvait offrir des fruits. Et puis il y a des sacrifices animaux, ce qu'on appelle des holocaustes. Holocauste en grec, ça veut dire entièrement brûlé. Parce qu'en règle générale, on ne se contentait pas de tuer l'animal, on le brûlait entièrement ensuite. C'est pour ça que la Bible nous parle de sacrifice de bonne odeur pour Dieu, parce qu'on brûlait l'animal, et c'est le parfum de la viande brûlée, c'est le pasteur John Corson qui parle de barbecue, ce parfum de viande brûlée qui arrivait aux narines de Dieu, et Dieu était content de sentir le parfum du sacrifice. Et alors cette notion de sacrifice... d'Holocauste, on la trouve beaucoup dans le Lévitique, dans la loi, puisque la loi qui a été donnée à Israël parle de sacrifice, et c'est extrêmement complexe. Alors il y avait déjà toute la complexité des prêtres, il n'y avait que la descendance de Lévi, ce qu'on appelle les Lévites, qui avaient le droit d'être prêtres, et alors en plus de ça, il n'y avait que ceux-là qui avaient le droit de faire des sacrifices. Il fallait qu'ils offrent des sacrifices, il fallait que ce soit des animaux vivants avant de les tuer. Et il y avait une certaine manière de les tuer. Alors vous imaginez, le jour de Yom Kippour, quand ils devaient tuer plus de 20 taureaux, c'était extrêmement compliqué à faire. Et alors des fois, il y a des exemples dans la Bible où ils donnaient des sacrifices de centaines d'animaux. Et j'ai dans ma Bible, j'ai un tableau sur dans la loi... chaque type de péché listé dans la loi et chaque type de sacrifice qu'il faut donner. Alors pour tel péché, il faut donner tant de colombes, tant de moutons, tant de chèvres et tant de taureaux. Pour tel autre, il y a tel autre nombre. Et en plus, à chaque fois qu'il fallait faire un sacrifice pour le peuple, le grand prêtre lui-même devait déjà offrir des sacrifices pour lui-même. Puisque comme il était un intermédiaire entre les hommes et Dieu, il devait d'abord purifier son propre péché avant de pouvoir intercéder pour les péchés du peuple. Donc on voit que c'est quelque chose de très très complexe, il y avait plein de règles pour offrir des sacrifices. Et nous, ce qu'on en a retenu, c'est qu'on a associé à ce sacrifice de la Bible, on l'a traduit par « holocauste », parce que c'était le mot que les Grecs utilisaient, qui veut dire « entièrement brûlé ». Mais en fait, dans la Bible, le mot qui est utilisé, puisque l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le mot qui est utilisé, il y a deux mots qui sont utilisés, c'est le mot pour « offrande » ou pour « sacrifice », c'est « korban » en hébreu, et c'est celui qu'on trouve dans le Lévitique, dans le premier, le deuxième chapitre du Lévitique. Je vous invite à vous y tourner. Donc Lévitique chapitre 1, verset 2, page 101 dans la Bible à la colombe. Est-ce que tout le monde a des Bibles ? Il nous dit « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme d'entre vous fera une oblation à l'Éternel, il offrira une oblation de gros ou de menu bétail. » Alors le mot « oblation » qui est utilisé ici, en fait, c'est le mot « korban ». Et le mot « korban » en hébreu, il n'a pas une signification de rendre sacré, vraiment, même si c'est important pour nous que ce soit rendre sacré, il a une signification de s'approcher, de présenter. Offrir à Dieu, c'est s'approcher, c'est se présenter devant Dieu. C'est être plus proche de Dieu. Et puis il y a cet autre mot qui a été traduit en grec par « holocauste », qui parle de brûler des animaux en grec, qui en réalité en hébreu c'est le mot « hola ». Et c'est celui qu'on trouve dans la Genèse, au chapitre 22, verset 8, quand Abraham offre son fils en sacrifice. Vous vous rappelez que Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac en sacrifice. Et alors qu'ils sont en chemin, Isaac demande à Abraham, au verset 7, chapitre 22, « Mon père, il lui répondit, me voici, mon fils, et il reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et le mot holocauste ici, c'est le mot hola, qui lui aussi vient d'une racine qui hala, qui veut dire, rien à voir avec le mot hala en arabe, c'est pas le nom de Dieu, c'est hala ici, qui veut dire élever, présenter. C'est le fait d'élever vers Dieu. Donc on voit que dans la Bible, le mot auquel les Israélites pensent quand ils pensent à sacrifice et quand ils pensent à holocauste, en réalité, ils pensent à des mots qui veulent dire s'approcher de Dieu, élever vers Dieu, présenter à Dieu. C'est des mots qui ont à voir avec la relation avec Dieu, qui ont à voir avec la distance qu'on a avec Dieu. Ça n'a pas à voir en soi, dans le sens du mot, ça n'a pas à voir avec le fait de tuer ou de brûler des animaux. Donc en fait, on voit que Dieu, pour moi, à travers ça, il veut vraiment nous dire que ce qui compte, c'est pas de brûler des animaux, c'est pas de tuer, c'est vraiment de s'approcher de lui, de lui donner notre cœur et de lui obéir. Et lui obéir, ça veut dire obéir au premier commandement. Le premier commandement, il nous est donné dans le Deutéronome, au chapitre 6, verset 5, et Jésus l'a rappelé quand il lui a été demandé. Deutéronome, chapitre 6, verset 5, et vous le connaissez. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement, ce que Jésus nous dit. Et donc si on respecte ce premier commandement, les sacrifices qu'on sera amené à offrir seront agréés par Dieu. Et on voit tous les sacrifices que Dieu n'a pas agréés dans la Bible. Il y a plein d'exemples. On peut regarder dans 1 Samuel 15, par exemple. Au temps des juges. 1 Samuel 15, qui est page 294 dans la Bible à la colombe. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Et puis vers la fin de la Bible, dans le livre d'Amos au chapitre 5, verset 22, qui est page 908 dans la Bible à la colombe. « Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde pas. » Et puis encore une fois, dans le livre d'Osée, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres exemples, dans le livre d'Osée au chapitre 6, verset 6, car je veux la loyauté et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc Dieu nous dit bien là, l'important, ce n'est pas les holocaustes. Ce n'est pas les sacrifices. Les sacrifices, ils sont importants, mais seulement si on suit d'abord le premier commandement qui aime, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le psaume 37 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. » Donc ça veut dire « Suis le premier commandement, donne ton cœur à Dieu, sois obéissant à Dieu et il mettra dans ton cœur les désirs qui lui plaisent. » Ça veut dire que les sacrifices qu'on va faire une fois que notre cœur sera au bon endroit, c'est-à-dire qu'il sera tourné vers Dieu, ces sacrifices-là seront plaisants à Dieu. Et on le voit encore dans les psaumes, il y a beaucoup d'exemples. Dans le psaume 40 encore, au verset 8. « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et la loi est au fond de mon cœur. » Ou encore dans le psaume 51. « Ô Dieu, Dieu mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue acclamera ta justice. » Donc on voit que c'est les offrandes qui sont données avec le cœur qui plaisent à Dieu. Alors la première offrande, le premier sacrifice au sens de sacrifice animal qui a été donné, il est très très tôt dans la Bible. Il est dès le chapitre 3 de la Genèse. Et c'est un sacrifice que Dieu a donné lui-même. Alors, il ne l'a pas donné pour lui, il l'a donné pour les hommes. Puisqu'au chapitre 3, c'est le chapitre dans la Genèse où Adam et Ève commettent le péché originel. Et après avoir commis le péché originel, ils se retrouvent nus et ils en ont honte. Alors, ils essayent d'abord de se couvrir eux-mêmes avec des feuilles de figuier. Ils prennent des feuilles de figuier, ils essayent de se faire des vêtements avec, mais ça ne marche pas très bien. Et puis on voit au verset 21 que c'est Dieu qui leur donne des vêtements. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Alors oui, des habits de peau. Mais bon, il n'avait pas une tannerie, Dieu. Il a bien fallu qu'il les prenne quelque part, cette peau. Donc ça veut dire que Dieu a dû tuer un animal pour couvrir la nudité, pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Pour qu'ils ne soient plus dans cette nudité dont ils avaient honte à cause de leur péché, Dieu a dû sacrifier un animal. Il a dû faire ce premier sacrifice. Et moi, je comprends ce premier sacrifice dans le sens de rendre sacré, c'est-à-dire que la mort de cet animal a été rendue sacrée dans le sens où elle a servi à redonner, à restaurer le lien sacré dans la mesure où ils pouvaient être restaurés entre Adam et Ève et Dieu, en couvrant leurs péchés pour un temps. Mais le deuxième sacrifice qui est donné est totalement différent, puisque c'est une fois que Adam et Ève ont été rejetés du jardin, ils ont deux enfants, vous vous rappelez, Caïn et Abel, et Caïn et Abel font tous les deux des sacrifices. C'est le chapitre juste après, au chapitre 4. Au chapitre 4, verset 3, « Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. » Donc une oblation, ce qu'on appelle une oblation. Une offrande végétale. Et Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors pourquoi est-ce que le sacrifice de Caïn était mauvais et le sacrifice d'Abel était bon? Est-ce que c'est parce qu'Abel a offert un mouton, enfin des moutons, et que Caïn a offert des légumes? On pourrait se dire c'est ça, mais en fait on a l'explication qui nous est donnée dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, pardon, chapitre 11, verset 4, où l'auteur des Hébreux nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. » Qu'on nous dit, c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est parce qu'il avait la foi. Il avait la foi, c'est-à-dire qu'il avait foi en Dieu. Il avait foi que ce qu'il faisait plaisait à Dieu, parce que son cœur était au bon endroit dans sa relation avec Dieu. Il voulait plaire à Dieu. Et puis on le voit encore avec Abraham. On revient à Abraham, à qui Dieu avait demandé de sacrifier son fils, et c'était un sacrifice énorme. Puisque vous vous rappelez qu'Abraham, quand il avait 90 ans, il n'avait toujours pas de fils. Et Dieu lui avait dit, tu verras, je vais te donner une descendance plus grande que le sable de la plage, plus grande que les étoiles du ciel. Tu ne pourras même pas compter ta descendance. Abraham arrive à 90 ans, il a déjà passé l'âge de la retraite depuis un certain temps, il n'a toujours pas d'enfant. Alors il a commencé à douter. Vous vous rappelez que c'est à ce moment-là donc, que Sarah, sa femme, lui a donné pour femme sa servante, Agar, et qu'ils ont eu un fils, Ishmaël. Mais finalement, Dieu avait fini par donner à Abraham un fils avec sa femme Sarah, bien qu'elle soit très âgée, et son fils c'était Isaac. Et quelques années plus tard, Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Abraham il doit dire, attends, une fois ça va, deux fois tu m'as dit que j'allais avoir une descendance, mais si tu me prends le seul fils qui a déjà mis 90 ans à venir, il va falloir attendre combien de temps pour en avoir un deuxième? Et pourtant, Abraham écoute la volonté de Dieu et il va offrir son fils en sacrifice. Donc on peut voir, c'est Genèse 22. On va lire un petit peu plus ce passage, Genèse 22. Donc page 20 dans la Bible à la colombe. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac », qu'il insiste, c'est pas l'autre, c'est pas le premier, c'est pas Ishmaël, c'est vraiment Isaac, « et va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste ». Là, c'est le mot « hola » encore qui est utilisé, c'est le mot qui veut dire élevé, présenté, mais qui, on sait, les Israélites savaient très bien qu'il s'agissait de tuer et de brûler. offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, il n'a pas attendu, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Puis, nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père !» Et il lui répondit, « Me voici, mon fils !» Alors Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon Dieu, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Donc on voit que Abraham a vraiment, il a la foi que si Dieu lui a demandé de le faire, Dieu va pourvoir l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. » Donc on voit encore une fois ici que Abraham était prêt à donner en sacrifice son fils, pas parce que c'était marqué dans la loi, d'abord il n'y avait pas la loi à l'époque d'Abraham. Il n'avait aucune raison de donner son fils parce qu'il n'y avait pas de règle. Abraham donnait des holocaustes, mais il n'avait aucun papier qui lui disait « va donner ton fils en sacrifice ». C'est Dieu qui avait demandé à Abraham d'aller donner son fils en sacrifice pour sacrifier, rendre sacré, c'est comme ça que je le comprends, sa relation avec son fils. Parce qu'Abraham était dans une telle situation que son fils avait une importance énorme pour lui. Il avait attendu son fils pendant 90 ans. Il était dans le risque de dire « mon fils, c'est mon fils, quoi, c'est... » Et Dieu lui dit, va sacrifier ton fils, c'est-à-dire présente ton fils, présente-le-moi. Mets ton fils entre mes mains, sois prêt à aller jusqu'au bout, à le sacrifier pour ma volonté, et fais-moi confiance pour le reste. Et parce que Abraham avait à cœur d'obéir à Dieu et de faire plaisir à Dieu, il était prêt à faire ce sacrifice, jusqu'à le faire sous forme d'holocauste, comme Dieu lui avait demandé. Et Dieu arrête sa main et lui dit, « C'est bon, j'ai vu que tu tiens plus à moi qu'à ton fils. Et que tu sais que même ton fils, qui est peut-être la chose la plus importante dans ta vie, même ton fils que je t'ai donné, tu es prêt à me le donner si je te le demande. Je sais que ce qui compte le plus pour toi dans ta vie, c'est de m'obéir. C'est que ton cœur soit à la bonne place. » Abraham aimait Dieu avec son cœur, avec sa force, avec son âme. Il avait une relation personnelle avec Dieu et c'est pour ça qu'il était prêt à donner tout ce qu'il avait en sacrifice. Et je pense que quand Abraham est revenu chez lui après, Abraham était très riche. Vous vous rappelez, il avait plein de chameaux, c'était pas C'était pas quelqu'un qui se baladait tout seul dans le désert. Il avait une grande caravane, il était très riche. Et je pense que quand il est redescendu, après avoir été prêt à offrir ce qui était le plus précieux pour lui, son fils, et que Dieu lui est rendu en disant « C'est bon, tu peux garder ton fils, je sais que ce qui importe le plus pour toi, c'est moi. » Il a dû regarder autour de lui, il a dû dire en fin de compte « Ce que j'ai, c'est pas grand-chose. » Toute cette caravane-là, Dieu l'a donnée, Dieu peut le reprendre, mais c'est seulement par la grâce de Dieu que j'ai tout ça. Il le savait, mais le fait de donner ce qui était le plus précieux pour lui et que Dieu accepte de lui rendre, ça a dû faire un choc pour lui quand même. Moi, je sais que ça me ferait un choc. Quand je suis arrivé ici il y a 2 ans, j'étais jamais venu à Nice. J'étais à Paris pour quelques mois pour chercher un boulot. Et puis j'avais très envie, mais depuis longtemps, d'aller en Hollande, parce que Ximena était en Hollande, et puis j'avais dans l'idée que j'allais me marier avec elle, même si elle n'était pas forcément d'accord. Mais bon, j'étais sûr que ça allait se faire comme ça. Alors moi, je disais, tiens, je vais aller en Hollande, je vais trouver un boulot là-bas. Et elle faisait, non, reste où t'es, tout va bien. Donc j'ai été chercher un boulot à Paris, je me disais, super, si je trouve un boulot à Paris, c'est plus proche que là où j'étais avant, qui était à Poitiers, donc au sud. Je suis plus proche d'Amsterdam, il y a des trains directs, c'est super, je vais pouvoir y aller. Et peut-être même qu'avec un peu de bol, j'aurai un boulot encore un peu plus près. À Lille, ce serait génial à Lille. Je serais à mi-chemin pour aller voir mes parents, pour aller voir Ximena. Super. Bon, il se trouve que j'ai arrêté mes études en cours d'école et j'ai pas de diplôme, donc c'est pas évident pour trouver un boulot. J'ai été chercher un travail à un forum de travail informatique, chercher un travail de technicien. Et il y a une entreprise qui aurait pas dû être là ce jour-là. Toutes les entreprises que j'ai vues, elles m'ont dit « Ah non, c'est dommage, vous avez un CV intéressant, si vous aviez un diplôme, on vous embaucherait. » Puis il y a une petite boîte qui était là, qui n'aurait pas dû être là ce jour-là, qui m'ont dit « Vous n'avez pas de diplôme, c'est pas grave. On va vous donner une position d'ingénieur. À Nice. » Ah ben non, à Nice, ça va pas. Je connais personne à Nice. J'ai jamais été. Moi, le Strass, tout ça, les paillettes, la Côte d'Azur... Non, c'est pas mon truc. Et puis en plus, vous savez pas, mais je préférerais aller à Amsterdam, quoi. Ils m'ont dit, si, mais Nice, mais ça va pas, t'es fou. Tout le monde veut y aller à Nice. Nous, on a plein de gens, ils bossent à Paris, si on leur dit, tu vas aller à Nice, ils démissionnent aujourd'hui, hein. Ils vont à Nice, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, je vais y réfléchir. Alors j'ai réfléchi. Puis bon, c'était quand même la seule offre d'embauche que j'avais, donc il n'y avait pas beaucoup à réfléchir parce qu'il fallait bien que je trouve un travail. Et puis ça me paraissait pas mal en fin de compte. Bon, je n'avais pas allé à Amsterdam, mais c'était pas mal. Ma mère m'a dit qu'elle avait un cousin qui avait un appartement à Cannes. Je l'ai appelé, il m'a dit « Ouais, tu peux descendre si tu as besoin, le temps que tu trouves un appart, pas de problème. » Bon, première bénédiction. Il m'a dit, mais tiens, mon fils d'ailleurs habite à Cannes. Il est ingénieur informaticien, vous vous entendrez bien. J'appelle le fils. Il me dit, ah tiens, il y a la marraine de ma fiancée qui a un appartement à louer à Valoris. Tu peux aller le visiter si tu veux. Alors, c'était à 10 minutes de mon travail, je ne le savais pas encore. J'ai été le visiter, j'ai dit, ça me va, j'ai eu l'appartement en 2 heures. Vous savez comme c'est dur d'avoir un appartement ici. Le boulot correspondait exactement à ce que je voulais faire. C'était la position que je rêvais d'avoir. Et puis je suis arrivé ici, je me suis dit quand même, si Ximena devait habiter quelque part en Europe, la mer, le soleil, la montagne, ce serait quand même super. Hein. Et puis en plus, il y a plein de gens qui parlent anglais ici, alors ce serait bien pour elle. Et puis le premier dimanche, je me suis dit, il faut que je trouve une église. Mais alors bon, j'ai pas de carte, j'ai pas internet, j'ai pas de GPS, et puis je suis jamais venu à Nice. Mais j'ai entendu qu'il y a un Calvary Chapel à Nice, et puis j'ai entendu parler de Calvary Chapel, donc bon, allons-y. J'ai pris la voiture, j'ai prié, j'ai pour que Dieu me guide. Et puis vers 10h15, je me suis dit, c'est bon, je suis perdu, je sais pas où je suis. Je me suis arrêté dans une station-service, j'ai demandé un annuaire, des pages jaunes, des pages blanches plutôt. J'ai regardé Calvary Chapel. Puis j'ai demandé au type de la station-service, où est-ce qu'elle est cette adresse. Il me dit, vous voyez là en bas du rond-point là, c'est là. C'était la station Total qui est là-haut. Alors je suis descendu, il y avait une place de parking devant l'église, ce qui n'arrive jamais. Il était 10h15 et il y avait Anita et Arnée, que certains d'entre vous connaissent, qui faisaient l'accueil. J'ai dit bon, je crois que tu voulais que je vienne ici. Hein. Et puis un an plus tard, on s'est marié avec Ximena, et puis elle est venue ici, et puis elle s'en plaint pas trop. Enfin, pas tous les jours. Non, c'est pas vrai. Et pour moi, effectivement, c'est vrai que c'était... Le fait de venir ici, c'était un peu un sacrifice. Parce que... je sortais d'un moment difficile, et puis repartir à l'autre bout de la France, à un endroit que je connaissais pas, où j'avais pas d'amis, où je savais pas ce qui allait se passer, enfin, c'était difficile. Et puis en plus j'avais dans le cœur que j'allais me marier avec Ximena un jour. Je pouvais pas l'expliquer, mais... Partir à l'opposé, c'était un petit peu... Déjà, ça faisait 4 ans qu'on se connaissait à distance. Mais alors, en plus, alors que j'étais déjà à 500 km d'elle, partir 900 km encore de plus, c'était pas logique. C'était pas la chose la plus logique à faire. Mais je sentais que c'était la bonne chose à faire et que c'était un sacrifice, d'une certaine manière, qui était bon. Et Dieu m'a béni à travers ça, et c'est pas grâce à moi, parce que j'ai pas fait grand-chose là-dedans. C'est plutôt lui qui m'a guidé. Ce qui est important dans tout ça, c'est... Dans le Nouveau Testament, on nous demande d'offrir nos corps en sacrifice. C'est dans le livre de... Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, dès le premier verset, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Est-ce que ça veut dire, parce qu'il y en a certains qui ont fait ça au Moyen-Âge, même toujours aujourd'hui, est-ce que ça veut dire se lacérer et se brûler ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire s'offrir en holocauste. On ne s'offre pas tout seul en holocauste. Et puis on n'a plus besoin, nous, de couvrir notre péché, parce que Jésus s'est donné en sacrifice parfait. Il a donné son sang et son corps sur la croix, pas pour couvrir notre péché, comme il fallait le faire dans l'Ancien Testament, mais pour être un rédempteur, pour nous racheter. Par son sang, il nous a rachetés. On n'a plus besoin d'offrir des sacrifices. On n'a plus besoin d'offrir des sacrifices. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Je vous invite à vous tourner, c'est un passage un petit peu long, dans la lettre aux Hébreux au chapitre 10. Au chapitre 10, versets 6 à 13. C'est une citation du psaume 40. « Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, c'est Jésus, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit donc le premier culte, pour en établir un second. Le premier testament, la première alliance, pour établir une seconde alliance, qui n'est plus de même nature. Ce n'est plus les mêmes prêtres, ce n'est plus des prêtres qui ont besoin de couvrir leurs propres péchés avant d'intercéder pour le peuple. Ce n'est plus des prêtres qui meurent et qui sont remplacés les uns derrière les autres et qui ont besoin de refaire à chaque fois. C'est un prêtre, il nous est dit de l'ordre de Melchisédek, un prêtre éternel qui a donné son propre sang, pas pour couvrir nos péchés, mais pour le racheter. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Plus besoin de sacrifice. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, ne peuvent que les couvrir. Mais lui, Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Alors on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices animaux. On n'a plus besoin. Parce que Jésus s'est fait rédempteur de tous nos péchés. Et lui non plus, il n'a pas besoin d'offrir de sacrifices. Il est un grand prêtre, mais il a offert le plus grand sacrifice qui pouvait être offert, c'est lui-même. Lui-même, 100% Dieu, 100% homme et 100% parfait. C'est lui qui a été offert pour nos péchés. Mais on doit offrir l'offrande de nos corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire se sacrifier, se rendre sacré, se sanctifier pour Dieu. Pas parce qu'on en a besoin pour couvrir nos péchés, mais parce que le sacrifice a à voir avec notre relation avec Dieu. Il a à voir avec le fait de s'approcher, de se présenter devant Dieu. Présentons-nous, approchons-nous nous-mêmes de Dieu. Donnons-nous en sacrifice, rendons notre relation avec Dieu sacrée en nous séparant de ce qui ne lui plaît pas. En mettant nos vies devant lui, comme Abraham était prêt à mettre son fils devant lui. En disant « Dieu, sanctifie ma vie, je la mets devant toi, tu fais ce que tu veux avec. C'est déjà toi qui l'as rachetée, elle t'appartient. » C'est pour ça que dans le livre des Romains, Paul nous dit que c'est un sacrifice raisonnable de notre part. Il est raisonnable, pourquoi ? Parce qu'on ne fait qu'offrir, quand on offre nos corps, on offre quelque chose qui appartient déjà à Dieu, puisqu'il nous a déjà rachetés. On ne lui fait pas un cadeau. Il a déjà racheté notre sang, il a déjà racheté son Église. On ne fait que lui rendre, que lui offrir ce qu'il a déjà racheté. Et pour cette relation qu'on a avec lui. Parce que Dieu ne nous a pas rachetés pour qu'on puisse être avec les anges un jour. Il nous a rachetés pour que dès aujourd'hui, on ait une relation d'amour avec lui. C'est pour ça qu'on a été créés, pour avoir une relation d'amour avec Dieu. Donc on n'a plus besoin aujourd'hui de toute la complexité de la loi pour être justifié. Les holocaustes sont abolis. Et ce qui compte encore aujourd'hui, c'est d'abord le premier commandement. Et Jésus n'a pas aboli le premier commandement. Il nous le rappelle dans Marc, il le recite dans Marc et puis dans d'autres passages, il me semble. Dans Marc au chapitre 12, verset 33, quand les scribes lui demandent quel est le premier commandement, il lui dit, Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » C'est issu de la prière, la principale prière des Juifs, qui s'appelle le chemin Israël. « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Ça, c'est pas aboli. c'est toujours la chose la plus importante pour nous. Et c'est peut-être une des choses les plus difficiles. Parce que c'est facile d'offrir des sacrifices. Prendre un animal et le tuer, c'est facile. Enfin, c'est facile. Bon, après on a Brigitte Bardot sur le dos, mais c'est facile quand même. C'est juste un acte. Mais donner son cœur à Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, c'est la chose la plus importante qui nous est demandée. Et ensuite, le deuxième commandement, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Et ensuite, c'est raisonnable pour nous, c'est un culte raisonnable pour nous d'offrir nos corps en sacrifice. Mais si notre cœur n'est pas au bon endroit, ça n'a pas de valeur. Comme les sacrifices dans l'Ancien Testament. Faire des choses pour Dieu aujourd'hui, donner notre vie à Dieu, dire « tiens, je vais te faire ça, je vais te construire une église, je vais te traduire tel livre, je vais te faire plein de choses pour toi. » Ça, c'est important si notre cœur est au bon endroit, si on suit ce premier commandement. Et où est-ce qu'il est notre cœur aujourd'hui? Où est-ce qu'il est votre cœur aujourd'hui? Et notre cœur, on ne peut pas le changer. On n'a pas le pouvoir de changer notre cœur. J'aimerais bien, des fois. Parce que c'est vrai que quand je regarde, c'est pas joli joli. Mais on n'a pas le pouvoir de le changer. Nous, on peut changer nos pensées. Et quand on change nos pensées et qu'on centre nos pensées sur Dieu et sur les choses célestes, Dieu change notre cœur. Si on le laisse changer notre cœur. Jésus nous dit qu'il frappe à la porte et qu'il ne tient qu'à nous d'ouvrir. C'est volontairement qu'on peut laisser Dieu changer notre cœur. Et ensuite, tout ce qui en suivra, les sacrifices de notre corps, les sacrifices de notre temps, pour ceux qui font l'étude, on a vu ça la semaine dernière, tout ça, ça va suivre. Parce que, dans le psaume 37, il nous dit « Prenez votre... » Je vais le reprendre, pour ne pas dire de bêtises. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Ce n'est plus moi qui agis, c'est Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vous propose de prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, et tu nous éclaires par ton Esprit Saint. Tu nous montres ta vérité. Ta parole est comme une épée à double tranchant. Tu révèles la vérité dans nos cœurs, Seigneur, pour nous corriger, pour nous approcher de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à t'ouvrir la porte pour te donner nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions dire que nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, et que nous sommes prêts à nous donner nous-mêmes en sacrifice, en culte raisonnable, non pas pour couvrir notre péché, parce que ça, tu l'as déjà fait, tu nous as déjà rachetés entièrement pour l'éternité. Mais Seigneur, parce que c'est un culte raisonnable que de te rendre ce que tu as déjà racheté pour te servir et pour être dans ta présence, dans ton amour, Seigneur, dans la relation avec toi, Seigneur. Amen.